êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 3 au 9 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je suis Stéphanie Paradis qui magazine des robes sur Internet. En même temps qu'elle anime l'émission, c'est une vraie multitasking, c'est une vraie fille. Mais non, mais écouter de la musique puis magasiner des robes et des sacoches sur Internet, c'est comme c'est la joie. C'est vrai, on vous juge pas si vous faites ça à la maison en ce moment, en voiture, peut-être en train de sur votre téléphone cellulaire magasiner des robes. Je viens de l'acheter sans faire exprès. J'ai poigné une bosse, j'ai pesé sur le piton. Oups. En plus, ils sont tellement agaces, là. C'est un rabais puis un gros décompte qui déroule sur la page de la robe. Fait qu'il faut que tu fasses ça là. Je veux dire, avoue que toi, tu serais assez influençable pour cliquer sur Buy It Now. Je comprends pas comment c'est que t'es encore en train de me parler en ce moment. Non, c'est parce que tu vois pas, là, je viens d'acheter trois. Donc, au Palmarès, c'est fou cette semaine. On va évidemment avoir nos chroniques récurrentes comme Palmarès in Peace, un instant classique, c'était fou et ailleurs dans les Palmarès. Ouais, on va vous décaper. On va vous décaper ça. Récurrent. Ah, récurrent. C'est ta propre joke que je reprends. T'as bien raison, j'avais fait ça à un moment donné. C'est une bonne blague, par contre. Souvent, en fait. À chaque fois. Plus d'une fois. Ouais. Alors, on va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros 1 sont toujours du côté anglophone Haim et The Wire. Et du côté francophone, est-ce que c'est Monogrenade avec la pièce Metropolis? Je sais pas, mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les nouvelles entrées. Vous savez qu'on n'était pas en direct la semaine passée. Si vous étiez à l'écoute, vous avez peut-être remarqué notre manque d'envie de jaser. On parlait pas ben. T'es-tu sérieux? Je sais pas. On était disait pas là? Comme 3-4 mots. Je pense qu'on a dit comme 20 minutes de blabla en tout. Mais bon. Aujourd'hui, on va parler plus. On est là, on est en direct devant vous. On va se parler comme des vrais êtres humains. Oui. Oui, et vous, des palmiers, bien sûr, avec vos grandes branches dans le vent. Vous allez faire flou. Donc, on va débuter avec les trois nouvelles entrées cette semaine. Plus tard, il y aura Simon Kearney et Rebecca Higgs. Bien entendu, on commence du côté francophone avec la 20e place. Blablabla. C'est la pornographie. David Giguère. David Giguère. Je sais pas pourquoi Giguère, pornographie. C'est un drôle de mot. Je sais pas, Giguère, ça m'inspire pas pornographie. Moi, ça m'inspire Réal Giguère et je veux pas imaginer de la pornographie mettant en vedette Réal Giguère. Voilà, mais David, ça va, c'est mon chum. Bon. Alors, on fait comment? On parle et pas, on parle pour sauver du temps. Dessiner mes envies sur ton dos, accident. Et puis voir la tristesse, les enjeux de ma lignée qui se consument peu à peu. Ici et grâce à toi. Alors c'était comment? La douceur, la rudesse, la dureté et le temps. Habiller mes peurs dans ta chambre testament. Mais dis-moi, je veux apprendre les couleurs, les odeurs, la beauté d'un langage que je ne comprends pas. Mais dis-moi comment, comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est moi le trésor. C'est moi le trésor. Mais dis-moi comment, comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est toi le trésor. C'est toi le trésor. C'est toi le trésor. Autres, non.

9. Nouvelle entrée. J'ai plus peur de partir au loin. Fais ça vite, oublie le sac à main. Fais-moi mal encore. Griffe-moi le dos, arrache-moi la peau. Enlève-moi, je suis bien mieux chez toi. Kearney et Fais-moi mal, la nouvelle entrée en 19e place francophone. Tout juste avant, en 20e place anglophone, c'était Loneliness de Rebecca Higgs. Mm-hmm, on a débuté avec 2G à Higgs. Oui, on a débuté avec David Giguère, un seul. Non, enfin, il y en a deux aussi. 2 gigaires, 2 gigaires. 2G, oui. Avec la pornographie à 20e place francophone, on a sauté par-dessus Dear Criminals et Lover Suicide. Mais tu as trouvé un thème entre les trois pièces qui sont nouvelles cette semaine. Oui, c'est un petit bloc thématique. Donc, on parlait de la pornographie, bien entendu. après, Fais-moi mal. Mais là, Simon demandait Fais-moi mal. Ben oui. Malheureusement, sa copine a dit non. Donc, ça a terminé Loneliness. Ben oui, pornographie, Loneliness. Ouais, mais calme. C'est triste. Ça finit mal, je trouve, ce soir-là. Quand il est interrompu. Ben non, il a juste coïté tout seul. Ben c'est ça, il n'y a rien de plus fun. Il n'y a rien de plus fun. Ben pour les nouvelles entrées, on aura plein d'autres chansons plus tard, mais avant de continuer, on doit dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Ben oui, pas ma rest in peace, Colin. Just my own tens of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Je patine sur des chemins en gravel. On m'a dit que t'es tombé du ciel. Ah, C'était les extraits des pièces qui ont quitté les Paparazzi Fous depuis l'édition du 24 février au 2 mars 2014. On a dit au revoir à Simon Kearney et sa pièce Chemin de Gravel ou En Gravel? En Gravel. Mais c'est déjà une nouvelle entrée cette semaine, donc ouais. Fais-moi mal. Ben, je préfère la nouvelle à l'ancienne. Ah, OK. Je trouve la nouvelle meilleure. 5 semaines, je m'en souviens pas tant, je te dis. Non, ouais. Et ensuite, on a entendu Massicotte et Chérie, je jappe. Moi, je me suis tenu de cette pièce-là après une semaine environ, mais elle a duré 6 semaines. Et tu l'as tout le temps dans la tête. Oui, tout le temps dans la tête. Et finalement, on a dit au revoir à The D'Orsays et Muzzle Blast, qui est resté 8 semaines. Ça me rend triste parce que je l'aimais bien. C'est une pièce très calme, mais je l'adorais, donc Muzzle Blast de The D'Orsays. C'est tout. Une petite semaine, somme toute. 3 nouvelles entrées, 3 pièces qui nous quittent. Qu'est-ce qu'on pense des nouvelles entrées? Rebecca Higgs, j'ai pas haï ça. Ouais, pas super. Ouais, sinon, peut-être un peu trop tranquille pour le mot dans lequel nous sommes présentement. C'est ça. Donc, peut-être que dans un autre contexte, on pourra peut-être plus les apprécier. Exactement. Moi, en tout cas, je vois pas la pornographie ailleurs qu'à 7h30 en ouverture d'émission. Évidemment, on passe la pornographie en début d'émission. Là, tu parlais de la chanson. La chanson de la pornographie, okay. Ouais. David Giguère. Mais bon, c'est ça, c'est calme. C'est une petite semaine, disons, pour les palmarès. Mais on aime ça quand même une fois de temps en temps. C'est mieux que des fois 12 nouvelles entrées. Là. Des fois, on n'en vient pas à bout. Là, là. Donc, on l'a dit tantôt, on a sauté par-dessus une pièce en 19e anglophone qui n'était pas nouvelle. C'est The Criminals et Lover Suicide. On va aller au 18e place maintenant. Du côté anglophone, on retrouve Snow Mental Love qui descend de 7 places et la pièce s'appelle All in the Name of Good Dancing. Mais on commence du côté francophone, toujours avec la 18e place. Ça descend aussi de 7, C'est jour de malentendre de Virgo. On parle là, c'est fou! Un jour de plus en plus demande de mal entendre. Toujours à attendre que mon char répare avant que tout s'effondre. Laissez ne pas oublier, tendance se passe avec des choses à régler. Et puis ne pas renoncer, de couler à tout cœur en manque avec des choses à payer. Aujourd'hui j'ai voulu montrer les forces que tout le monde aime m'entendre. Pour but de monter loin du bord du bord à tout le coup d'un trou noir. Et puis de recommencer, d'être refusé malgré toujours avoir fini le premier. Laissez de ne pas oublier, pendant ce temps d'énervement y'a pour dans les dépasser. Faisons l'effort, pas peur de ne plus pouvoir s'en aller. 18. Et All in the Name of Good Dancing descend de 7 places en 18e anglo. Et du côté francophone, c'était Jour de Malentendre de Virgo. Ben oui, toi. On est déjà rendu au 17e place. Donc, Colin, les choses vont exactement selon le plan tel que prévu. Oui, en ordre. En ordre décroissant, je te dirais. Exactement. Ce serait bon décroissant. Ah? Au fromage, gratiné. Moi, je me suis fait attaquer par un pudding chômeur. Ah, OK. Ouais. C'est rendu fond d'écran d'ailleurs de ton ordi. Ouais. Et tu magasines un tablier en plus, donc vraiment tout va ensemble. Ah ben, c'est un hasard, je suis tombée sur des tabliers, là. Mais ceux-ci ont l'air de des belles petites robes. Ben, c'est bon, ben, en voilà une raison de t'acheter un tablier. Mais non, j'aurais tellement peur de salir. Ah, ben oui, mais si tu salissais de pudding chômeur, tu pourrais te licher à robe, ben c'est bon, hein? Ça colle. Ça se passe de commentaires. 17e place anglophone, c'est Ballader et A Life Like This qui est stable. Ça fait 7 semaines que c'est là. Et ça descend de deux du côté francophone, c'est Bonjour Tristesse de Grenadine. Du coup, t'as un compressé, un poulet pressé de la meilleure musique de C'est Fou, c'est les Palmarès, c'est fou. Poulet pressé. C'est pas très bon du poulet pressé. Non, c'est pas cheap de même, le Palmarès. On est des deluxe. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'y ai appris, je regrette. Mais moi, quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. Parfois la main. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Tu sais. Like this, c'est stable en 7e place, 7e semaine de présence. Et du côté francophone, c'était sa 6e semaine. Bonjour Tristesse de Grenadine. C'est le moment de sauter par-dessus un gros bloc de 4 places. C'est triste, pas mal. Du côté anglophone, on saute la 16e, About et Built It qui descend de 10 places. Et en 15e, stable, on aura entendu Chicken and Clark avec de Lederhosen, Lucille et Kristen Muir. Du côté francophone, on saute par-dessus la 16e qui est stable. C'est Dédompter ton chien de Rouge Pompier, finalement par-dessus la 15e. C'est aussi sa 8e semaine, Vice étrange d'Ariel. On saute comme un petit poulet pressé qui est pressé pour avancer. Ah! Comme tantôt quand on a dit des poules de luxe, là, c'est comme des poulets de luxe, c'était ça la blague, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ouais, t'es bonne, c'est plate que l'autre vous ait interrompu, là. La chanteuse de Grenadine. Ouais. Elle était pressée aussi. Tout le monde est pressé dans la vie, hein, c'est ça, 2014, hein. Tout le monde poulet pas de tête. Donc, on est rendu aux 14e place. Ça, on les saute pas, on s'en va les entendre à l'instant. Du côté anglo, il y aura The Pack AD avec Big Shot qui est stable. Ben, les choses sont stables cette semaine. Et ça monte de 5 du côté francophone, Perle rare d'Alexandre Desilets. Oh, ça, par contre, c'était une nouveauté la semaine passée, puis ça reste bon, là. Oh, mais hein? C'est au palmarès, c'est fou. Pourquoi on a un fin FM? T'es beau, celle-là. Radar allumé dans la nuit blanche qui balaye les fonds. Pour un bout de liberté, ma perle rare, tu cours après le plomb. Et toujours au nom de l'amour, tu es à te laisser couler, emporté par le charme, les mélodrames d'une vie inventée. On te promet le monde, mais tu vaux mieux.

Big Shot, vous l'aurez deviné. Par The Pack 80, c'est la position numéro 14 de Stab en anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était une nouvelle entrée de la semaine dernière. C'était Perle rare d'Alexandre Désilet, tiré de son album Fancy Ghetto. Fancy Ghetto. C'est cute, ça, Fancy Ghetto, hein? Du côté des prochaines positions, c'est-à-dire les 13e, on parle de duo. Des duos comme, mettons, Yamantaka ainsi qu'accompagné de Sonic Titan ou encore David accompagné des Bois. J'imagine que c'est un orchestre d'Orignal. Peut-être qu'il joue seulement des claves. Ah! Oui, c'est quoi les petites affaires? Les petites, bâtons de bois. Ouais, genre. Toc, toc, ça? Toc. Des claves. C'est ça, des claves? Ah, j'aurais jamais pensé que c'était ça, des claves. Ça me semble. Je sais pas, moi, je connaissais les conclaves. Les conclaves. C'est pape, ça, non? Un conclave? T'as les conclaves comme convexe conclave. Une chorale de conclaves. Toutes les papes de l'histoire, tu sais, on les ramène à la vie. Ben en fait, c'est pas tant le pape que... Que les gens qui votent pour le pape. Ouais. En tout cas. Position numéro 13 anglophone, donc Yamantaka Sonic Titan et Wellsong qui descendent de la 7e. Bon, on commence le bloc du côté francophone avec Scaphandre et David Lesbois avec son orchestre de conclave. C'est ça. La fumée noire et toute la quête, là. Ah ouais, non. On peut le voir assez fou. Ça, c'est le bois qui passe au feu. Oui. Je croyais que je t'aimerais toujours. Quand dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. J'étais sous l'emprise de ces bras à défaire. Abattu sur le grand boulevard, et les éclairs ont fait des stries de sang dans mes yeux, qui s'inondaient plus mon scaphandre dépressurisé. Tu fus une illusion dans ma bathysphère. Formant ma réalité, étouffant mon atmosphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie lentement, remontant à la surface, plongeon par plongeon. UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou.

Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Ouais, c'est ça. Son... Dose-t-elle une horloge qui nous montrerait ses chiffres? Non, avec toi, j'aurais pensé les 12 étapes des AA. Non, c'est une blague. T'es sûr que c'est 12? Je pense que oui. J'ai une idée. Je suis pas alcoolique, moi. T'es pas alcoolique? Non. OK. Piqué. Hein? Pose ta continue. Ah, c'est drôle d'écouter une pub comme ça en morceaux. Je trouve pas. Pas tellement drôle, hein? Non, désagréable. Ah, ouais. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. As-tu trouvé quelque chose sur ton site de magasinage? Hein? As-tu trouvé quelque chose à acheter? Mais oui, mais là, elle est ben trop chère. Moi, payer 80$ pour une sacoche, là. Non. Ben non, mais un panda avec une face de sacoche, lui, ça, tu serais prêt à payer 80$ pour ça, là. On devrait laisser tomber les blagues quand elles sont pas bonnes. Donc, deuxième heure des Palmarès Info, la semaine du 3 au 9 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Qui s'accroche toujours. À cette blague, mais ben, je la trouvais très bonne. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Garde chacun notre standard de blague, hein, d'humour. Non, mais c'est à moi que tu parles, là. C'est ça. Pourtant, toi, t'es trop drôle mes blagues d'habitude. Ben non, mais là, à un moment donné... À un moment donné, c'est toujours... Pendant qu'une face de sacoche. Donc, position numéro 10, c'est ce qui va ouvrir notre deuxième heure top 10 des Palmarès C'est fou. En anglophone, il y aura Mark Berube qui descend de 2 avec Carnival. Mais du côté francophone, on s'en va entendre Mordicus et le Roi Soleil. Au Palmarès C'est fou, 89 FM. Alors je crois en moi et peut-être en toi. J'aimerais savoir qui contrôle le temps. Vivre selon un plan peut être rassurant. La chair à machine, l'horloge était construite. Le sun. it at home. My band for hire, find a cancel rope. In a bank of songs, I'm on the ba-da-ba-da. Find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rags. Find some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. Another school year's clean. The basement's full of all the dandelions. The kids could pull, find some entitlement. Some hipster swag. Conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. Got my Christmas faith. The angels shine on the lips of the few in the shadows of the gun on the lights on the cheeks of your face. Promises on the base of your teeth. The gun on the lights on the cheeks of your face. Will you take what you will receive? Sur le deux places avec Carnival en 10e anglophone. Et du côté francophone, c'était le Roi Soleil de Mordicus. À tantôt, dans quelques instants, ce sera le Star Classique et bien un moment d'assemblage rocky. Ça en vient, ça. Toutou. Bonne petite semaine quand même. Mais avant ça, on a les 8e à entendre du côté anglo-mode moderne avec She Hunting qui descend de 5 places. Et du côté francophone, c'est seulement sa 3e semaine de Brodidas. C'est de Mange l'ours mange. Brodidari, brodidari. C'est pas mal assez fou. Les édifices par des marshals empilés, refaire la jeunesse, tout révolutionner.

Matteo avec un H. Matteo avec un J. Ça peut arriver aussi. Les J sont prononcés comme des H. Hein. Et Théo. Puis en catalan, c'est Matteo. Matteo. Ah, on devrait regarder le reste aussi. Matteo dans le sens de « je vais te mater parce que je suis un gros pervers ». Ben, genre, mettons. T'es tellement Matteo. Ben, mais hein, t'as Mata aussi en turc. Comme Saint-Jean de Mata. Saint-Jean de Mata, probablement. oui, t'as Mats en norvégien. Mads avec un D. Évidemment, c'est très beau ça aussi. Mati en finnois. OK. Ah, oh, wow, quand même. Je sais pas. Il y en a pas même d'autres de bon. Hein. J'aime Matthäus. Matthäus Mozart. Ça, c'est en... Matthäus, c'est en africain. OK. Ouais. J'ai pas tant regardé pour le mien. J'ai vraiment juste regardé, Ben, tu sais, c'est plus simple pour le nom de Matthieu parce que c'est un nom qui vient de la Bible, apparemment, qu'on me dit. Donc, Matthieu, sur Wikipédia, a sa propre page qui vient de l'hébreu Matitiaou. Saint Matthieu était un des 12 disciples de Jésus, Jésus Lauzon. Dans la théologie chrétienne. Je m'excuse, mais il y a quand même une page Stéphanie sur Wikipédia. Ben oui, ben oui. Ça dit que Stéphanie est un prénom féminin. Variante française du prénom épicène, Stéphane. Ah, ben oui, tu sais. Ben oui, issu du substantif grec Stéphanos, signifiant couronné. Oh. Et traduction de l'hébreu Tcheliel, couronne de Dieu. Attends un peu. Moi aussi, j'ai une page. De là, c'était Stéphanie de Monaco, là. Ouais. Est couronnée. Je veux dire, ça fit beaucoup trop. Okay. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? T'as bien raison. Puis Saint-Étienne, qui est le premier diacre et premier martyr de la chrétienté, le 26 décembre en Occident. Je sais même pas c'est quoi. Eh bien. Ça dit que la fête de Saint-Étienne, c'est relié à Stéphanie. J'aime ça, des variantes de Stéphanie. T'as Stéphanie. Ça, c'est moi qui mange du macaroni. Chef Boyardi, Stéphanie, Boyard. Puis t'as la version Stéphanie, OK. Stéphanie, funny stuff. Mais c'est parce que c'est très drôle, parce que c'est S-H-T-E-P-H-H-A-N-I-E. Il y a comme beaucoup trop de H. Aïe, aïe. Trop de H, t'aurais jamais entendu, t'aurais jamais pensé ça de Stéphanie, t'es rempli de H. Et les diminutifs, il y en a, tu sais, on s'entend qu'on se résume beaucoup à Steph, mais t'as Steph avec un F, mais t'as Stepha, Steffi, Nini, Nani, puis Fanny. C'est tout un peu bébé Lala, je trouve. Ouais, un peu, hein. Moi, me faire appeler Nini, c'était par Nini. Mes oncles quand j'avais genre 3 ans. Oh non, mais c'est cute. Moi, je regarde la page de Matthew en anglais, qui a beaucoup plus de détails qu'en français. Mais c'est pas ça ton nom. C'est Matthew. Oui, non, je sais. Non, c'est... Non, mais c'est à la même origine. Donc, ça nous dit dans la page en anglais, bon, que, tu sais, on raccourcit souvent Matt, mais en Irlande, c'est Matty. OK? Et il y a une anglicisation, Matthew, du nom irlandais Matthewin, qui veut dire ours. OK? Et là, c'est ça le poêle. C'est ça le poêle, oui, juste le haut du chest. Et si on va sur la page en français, ça nous mène vers Maté. M-A, accent aigu. OK? Accent aigu, pas grave. T-E, accent aigu. Équivalent en anglais Matthew, en espagnol Matteo, en français Mathieu. Donc, c'est vraiment l'origine. Et ça dit que c'est un prénom hongrois masculin. Ah! Étrange, hein? Ah. Quand même, on apprend plein de choses grâce à Wiki. Plaisir. Nous voilà de retour au Palmarès des Fous, donc on va aller aux 7e places. En anglophone, ce sera Gramercy Riffs avec Desire Trails qui monte de la 20e place. C'est nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, ça fait une belle montée de 6 et c'est comme des rames de Clopelgag. Puis elle, on la connaît, quand elle se met à chanter des rettes là. Fait qu'on ferme notre gueule. Ouais, vous êtes au Palmarès des Fous, à shut up. J'ai croqué ta pomme. Ta pomme d'Adam. Et depuis je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps. Ton corps est sain de fleurs en glorieux. J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant en bottes d'eau ou même en souliers. Je n'avais jamais vu la mort avant. J'ai inventé une île à colorier. Mais je n'ai rien pour tailler nos crayons. Comme des rames qui auraient trop ramé. Nos couleurs ont fini par s'estomper. J'ai cassé la vie. C'est la viron, tu casses sur ta tête.

sourire. Comme... Le bloc C'était fou pour la semaine du 5 au 11 mars 2004. On a entendu au début du bloc Antoine Graton et les filles universitaires sur l'album Montréal Motel. Ensuite, le numéro anglophone de Strokes, Reptilia sur l'album Room on Fire. Et on a terminé avec Gwen Wedd et la pièce 8 mm sur l'album Le Retour du Bleu Métallique. Ça, c'était une pièce donc bonus que j'ai choisie parmi les deux tops. À l'époque, en 2004, c'était un top 10 franco et un top 10, un top 15 anglo. Voilà. Il y avait André en francophone. Caillou m'en fout, car quoi? Du côté anglophone, je vois Billy Talent, Jet, Matthew Barber, des trucs comme ça, c'est pas pire quand même, une bonne année. J'imagine, je connais pas tout ce dont tu as parlé. Normal, normal. Moi, je venais d'arriver à C'est fou il y a peut-être quelques mois, trois mois environ. Ta paroi! Donc, 5 au 11 mars 2004. Ouais, c'est ça. Allez voir cifou.ca, évidemment, pour les vieux palmarès. Assemblagerequis.com pour le palmarès directement de cette semaine-là. Et les informations sur le blog que c'était fou qu'on fait chaque semaine dans les palmarès. C'est fou. Cool! Yeah! Maintenant, ben, on doit sauter par-dessus les sixièmes places. Hein. C'est C'était fou qui a pris la place de ces sixièmes-là. En anglophone, on aura entendu Sebastian Granger et Some People Are Ghosts Too Soon qui monte de la 19e place. Et on saute par-dessus la sixième francophone qui monte de la 20e. Donc, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. faire Marie-Lie Bleue de Jimmy Hunt. On va entrer dans le top 5 dans quelques instants. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1, oui, anglophone, est toujours Hey, mais en fait, on sait que ce ne l'est pas avec The Wire. Ben, c'est ça. Et on va découvrir du côté francophone. Simon Grenade est toujours là avec Metropolis. C'est les Palmarès, c'est fou, restez avec nous! Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Bonjour, c'est toujours les parleurs assez fous pour la semaine du 3 au 9 mars 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Monsieur Plante. Ah oui! Matteo de Planta. Stéphanie Paradis et Stéphania Paradis. Parasio. Voilà. On a trouvé Jean-Philippe. On va faire ça dans quelques instants après ce bloc-là. On va débuter par contre les cinquièmes places du côté anglo, c'est Jobin et Take a Ride. Et du côté francophone, c'est une nouvelle entrée de la semaine dernière. C'est Chacun son arc-en-ciel de Midi Cayenne Club. On écoute ça au palmarès, c'est fou sur le 89.1 FM. Chacun son arc-en-ciel, chacun sa folie de miel, sa couleur imaginaire, chacun son mirage miraculaire. Faut se le dire pour le savoir, quand il fait froid, que la nuit est noire, quand il se met à pleuvoir, comme vache qui pisse. Chacun sa lune, chacun sa gloire, chacun son complice. Quand tout est triste, chacun son esquisse, chacun son esquive, chacun sa trêve. Ha ha ha ha. L'évidence craintive crève les yeux du dernier rêve. Chacun son sourire, chacun sa survie, oh chacun sa crève. Quand l'impossible dort encore, le jour se lève. Can't you see it's a crime? Et Take a Ride, position numéro 5. J'ose pas l'interrompre. Ouais, moi non plus. Mais je l'ai fait deux fois. Ah, il a fini. Ah. Du côté francophone, on a entendu chacun son arc-en-ciel de Midi Cayenne Club qui monte de 13. Mm-hmm. Tantôt en quatrième place, David Marin et Royal Canoe. Mais avant ça, plus tôt dans l'émission, on parlait de nos noms en espagnol. On rappelle encore une fois que Stéphanie est... Estefania Palacio. Oui, c'est ça. Ouais. Et Mathieu, c'est Matteo De Planta. De Planta. On a trouvé Jean-Philippe Charbonneau, notre animateur, ami, collègue de l'émission Assemblage requis le matin. Hein, ben, moi, j'ai pas vraiment cherché son nom en espagnol. Là. Je veux dire, c'est facile, là. Juan Felipe. Là. Oui, Juan Felipe, tout ce qui est plus classique. Mais on a cherché aussi les définitions des prénoms hein, en tant que tel pour trouver qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Ben oui, en fait, j'ai cherché Philippe. On s'entend que Jean-Philippe, c'est deux noms différents associés ensemble. Et Philippe, ça nous donne... Philippe est un prénom masculin, plus rarement féminin, mais ça arrive. D'origine grecque, Philippos, signifiant, attention... qui aime les chevaux. Oh! Les chevaux! J'étais un peu déçue. J'ai quasiment le goût d'aller à l'intérieur de Wikipédia échanger qui aime les ailes de poulet. C'est ça. Ben, ça se mange aussi du cheval avec de la sauce barbecue red hot. Ah, c'est sûr. Mais moi, ça me fait trop mal de manger un cheval. C'est comme trop intelligent par rapport à une vache, mettons. J'avoue. J'avoue. Ah, et j'ai fait une recherche, il y avait un petit lien homonyme, Jean-Philippe. OK. Et ça m'a porté sur, en fait, sur un lien qui me dit que Jean-Philippe est un chanteur ayant participé à l'Eurovision en 1959 avec la pièce Oui, oui, oui, oui. Mmh. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous ferons le tour du monde avec mon toi, ma jolie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Des grandes paroles. Oui, oui. On te croyait pas comme ça. Oui, oui, en plus. Mais c'est tellement Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est une de ses phrases fétiches, de ses phrases clés, c'est oui, oui. Ben là, oh mon Dieu. Je sais pas s'il est mort, ce gars-là, Jean-Philippe. Ben, sûrement. Parce que, ben, peut-être pas. Ah, s'il a gagné, il était dans, sûrement dans, la, je dirais, la début trentaine. Je sais, j'ai de la misère avec les âges. Mais oui, mais mes grands-parents sont nés dans les années 30 et sont encore en vie. C'est vrai. Mais comment tu veux trouver ce gars-là? Je veux dire, on sait même pas son nom de famille, est-ce qu'on sait? Ben non, mais c'est son nom, Jean-Philippe. Ah, son nom de famille, c'est Philippe. Oui, oui, mais ça le dit pas. Il doit pas être mort parce que sur son wiki-wiki. Ah oui? C'est pas écrit qu'il est mort. C'est pas écrit. Sur son wiki-wiki. Parce que je me suis dit peut-être que ça aurait été une réincarnation ou... En fait, c'est peut-être tout simplement un frère spirituel avec notre ami Jean-Philippe Charbonneau. En tout cas, il porte un nœud cravate, un nœud papillon, pareil comme le vrai Jean-Philippe Charbonneau. Ben pareil. Oui. Pareil. Identique. Il est en noir et blanc, comme le vrai Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Il dort dans... Non, j'allais dire, il est propre comme le... Mais en tout cas... Et moi, je rêve avec lui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Oui. Quand vient la nuit, nous partons découvrir mille merveilles. C'est normal qu'il ait gagné l'Eurovision, c'est parfait, là. C'est merveilleux. On s'entend que c'est un hit. Oui. Le hit parade. Va, mon bateau, ah, ben non, il est arrivé troisième sur 11. Ah, ben là. Il n'a même pas gagné. Ah, franchement. Et c'est sur YouTube, tout ça, il n'a même pas gagné, puis il est quand même une vedette sur YouTube. Ah, mais savais-tu que la chanson a été popularisée ensuite grâce à la reprise de Sacha Distel? Sans blague. Sacha Distel, tu sais. Ce qu'il chantait? Non. En fait, non. Attends un peu. Je veux être certaine, mais je suis pas sûre. Oui, oui, oui. Est-ce que peut-être que Sacha Distel, oui, c'est la version originale? Non. Oui, non, non, il vient de le dire. Okay. La reprise de... C'est grandiose! Bravo! Bravo, Jean-Philippe, bravo. Tu mérites ça plus que le poste d'animateur du matin. Bravo. Bon. Oh, mais ils n'y pas avec ça, les autres, ils arrêtent ça, l'applaudissement d'un coup sec. Donc, Jean-Philippe Charbonneau anime Assemblage Requis les matins entre 6h30 et 9h30, du lundi au jeudi. Voilà. Et voilà. Et Jean-Philippe, le chanteur, ben, sûrement, il fait plus grand-chose. Pour ce numéro 4, du côté anglophone, c'est Royal Canoe et Hold On to the Metal qui descendent d'une place. Et ça monte de 3 du côté francophone à l'abri du tempo. C'est David Marin. Au palmarès, c'est fou. Ouh. Ah, tcha-tcha. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je porte la chemise d'une entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes bien enlignées devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que rond la journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. À l'abri du tempo. Son char

C'est ailleurs dans les palmarès. On regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est fou, c'est bien vrai, parce que c'est plus qu'un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des musiques canadiens, un top 10 loud, un top 5 des musiques du monde. Ben oui, que dirais-tu qu'on commence avec le top 30 des albums? Il n'y a pas de nouvelles entrées cette semaine. On passe donc directement au top 3. En troisième place, ça descend de 1, c'est Sexy Mathematics de avec son album Electronics. En deuxième place, une belle montée de 10, c'est Statue Park avec The Cities We Planned, The Cities We Made. Et finalement, en première place, une belle montée de 9, c'est de Royal Louis avec Forecast. Ensuite, on passe au top 3 des disques canadiens. En troisième place, c'est Sexy Mathematics avec son album Electronics. En deuxième place, Statue Park et The Cities We Planned, The Cities We Made. Et finalement, en première place, aussi une belle montée de 9, autant dans le top 3 des disques canadiens que dans le top 30 des albums. C'est de Royal Louis avec Forecast. Dans le top 10 loud, aucune nouvelle entrée non plus. C'est plate, mais on n'a pas envie d'avoir de nouveautés cette semaine. On s'en fout. Top 3, donc, on monte de 3 places. En troisième, c'est SAG avec Delusions of Grandeur. En deuxième, ça monte de 3, l'album de Power of Three par Monty Pittman. Et en première, c'est stable, l'album de Satanist par Behemoth. Dans le top 5 musique du monde, là, il y en a une nouvelle entrée. Oh yeah. C'est par Montréal Guitar Trio, Mr. Piment, sur l'album Der Prinz. Mr. Piment? Ouais, c'est bizarre. Hein? En troisième place, ça descend de 1, Nomad Slang, pièce de Ibrahim Malouf. En deuxième, ça monte de 3, la pièce Areg Danag de Tinari Win. Et en première, c'est stable, quatrième semaine de présence. La pièce s'appelle Rockin' Camel par Violon Barbare. On l'a entendu il y a quelques semaines. Moi, ce que j'ai envie d'entendre là, c'est la deuxième place. Donc, on va l'entendre. Ce ou c'est ou cette Tina Riwen avec l'extrait Areg Danag prononcé un peu n'importe comment. Vous écouterez Branché le monde pour le savoir. On écoute ça à l'instant ailleurs dans les palmarès. Midi, ouais, t'es d'avoir gris de ou, sous le hâte, t'es à voir, t'es à voir, t'es à voir, t'es à voir, quitte je me tisserai. Une belle quitte je me tisserai. Dinar Ewen et Arek Danag sur l'album que j'essaierai... Est-ce que je vais essayer de le prononcer? Sur l'album Emar. Ben, c'est pas trop compliqué, ça, Emar. Hein? Mm-hmm. Et c'est quand c'était... Sur le saut, ça se prononce... Genre, j'ai encore du morphine dans la bouche. Genre, c'est pas grave, je vais te faire chanter le bar. Ailleurs dans les palmarès. Graine de muffin, graine de muffin. Postillon de muffin, des moustillons. Oh. Voilà donc pour Ailleurs dans les palmarès. On fait ça chaque semaine dans les palmarès, c'est fou. Et vas-y. Et vous venez d'assister à notre plus grande performance? Bien, sûrement la meilleure jusqu'à maintenant. Et écoutez donc Brancher le monde les dimanches entre 17h et 19h parce que David Ferron fait jouer le top 5 musique du monde. Oh, wow! Donc, tous les dimanches, 17h, soyez-y. Est-ce que t'as échappé ton muffin quelque part? C'est à la table, hein? Oui, il est tombé sur la table. Pas nécessairement propre, la table. Mais non, mais c'est resté maximum 0,9 secondes. C'est dans les règles. J'ai soufflé dessus. Le comité olympique ne chialera pas, c'est dans les règles. Pourtant, j'ai fait un trou de la bonne forme pour l'insérer sur mon banana cake. Je comprends pas pourquoi il tient pas. T'as essayé de le faire tenir là, hein? Vu d'ici, on dirait vraiment que mon muffin prend une mordée de banana case. Prends une photo, voir. Facebook-moi ça sur la page des Palmarès C'est Fou. Ça va être très pertinent comme tout le reste des choses que sur la page des Palmarès C'est Fou. Et qu'on fait et qu'on dit. Et, oui. Donc, on est rendu au troisième place. Donc, du côté anglophone, on descend de une. C'est Sexy Mathematics avec The New Illusion. Et ça descend de un aussi du côté francophone. C'est Ça pue de Pépé sa guitare. Ah ben, c'est peut-être le muffin qui l'a touché à la table. Il pue pas, mon muffin. C'est très bon. OK. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue quand tu parles. T'as beau te brosser les dents, t'as beau te passer la soie, c'est dans ta voix. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Tu prends de la place, personne t'écoute, même quand tu parles trop fort. C'est qu'ils osent pas te dire de te la farmer, mais moi je fais un effort. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais. Tes commentaires méchants, ton potinage pour moi c'est du vent. Un vent mauvais. Tu coupes tout le monde, tu cries pour rien, y a juste toi qu'on entend. En autant que personne parle de toi, tu penses qu'on est content. Mais ça pue quand tu parles, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. La prochaine fois, t'as le goût de parler. Téléphone-toi. Réponds-toi, écoute-toi, raccroche-toi pas. Trouve ce qui pue. Dis-moi quand t'es rendu. Mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, mais là, fais quelque chose. Parce que ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, je m'excuse, mais tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi tu parles. Ça pue quand tu parles. Ouais, fais quelque chose. Vous êtes dans la zone 89.1. New Illusion par Sexy Mathematics. C'est la troisième place, ça descend de une. Et c'est la même chose côté francophone, mais c'était pas la même toune. C'était Ça pue de Pépé sa guitare. Ce serait drôle s'il y avait un bloc où c'était la version en français de la même chanson. Tu sais, comme ils font dans les radios commerciales avec un paragraphe en français. Non, mais ça pourrait être vraiment deux versions, genre la vie chante, la la la la la, puis life is life, la la la. OK, fait que c'est pas les mêmes paroles exactement, mais quand même, c'est comme deux... Mais non, mais c'est deux tunes différentes. Oh! Ou genre le Hickey Breaky Dance puis de Steph Cass, puis wow. Hickey Breaky Heart de... Billy Ray Cyrus. C'est ça, le père de Anna Montana. C'est ça, Montana. C'est Anna Montana, son frère, Anna Montana. C'est pas drôle, mais c'est drôle, tu sais. Moi, je sais que c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment, vraiment pas drôle. Tu les comprends, délai. Le frère, c'est Anna Montana. OK. Ouais. Donc, on est rendu aux deuxième place. Hein. Je pense que ça va faire du bien d'aller réentendre un bloc musical, se laver un peu les oreilles. Du côté anglo, c'est Statue Park et 1983 qui montent de 10 places. Alors que du côté francophone, on s'en va entendre l'ancien numéro 1, mais non, malheureusement, Mono Grenade n'est plus en première position. On s'en va l'entendre là, avec Metropolis. Au palmarès, c'est fou! Anna Montana! Ouh! de Statue Park et 1983 qui montent de 10 places en deuxième anglo. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1 Métropolis de Monogrenade. Ah ben, quand, gars, j'aurais pu parler par-dessus la fin puis envoyer directement les prochaines pièces. C'était pas du fait que les numéros 1... Ah, du fait qu'il faut t'écouter. Hein? Ben, c'est ça. Faut que je fasse des jeux de mon poche. C'est ma job. Qui a déterminé ça? Ben, je sais pas. C'est qui le producteur exécutif de cette émission-là? C'est moi. Je décide que j'ai besoin de jeux de mots à chaque semaine. Tu sais, c'est de même. C'est comme ça. C'est dans ma... C'est dans mon... Ton problème mental. Ton problème mental, exactement. Non, c'est aussi dans mon corps. C'est un peu comme à l'intérieur de mon corps, j'aurais, tu sais, des os, des ossements, tu sais. Oui. Faibles, en train de s'effriter, un peu comme mes jeux de mots s'effritent, un peu comme un squelette qui aurait une fibromyalgie ou quelque chose comme ça. Ou qui serait fait en bois, tu comprends? Un squelette en bois. On s'entend que ça ne te ferait pas à run s'il n'est pas ciré comme ton deck de patio, tu sais, mettons. T'sais, qui est fait par ton oncle Jacques. Ciré. Cire ça un patio? Je pense que oui. Tu le vernis, je pense. Tu le vernis. C'est plus ça, je pense, le mot. Mais bon, bref, c'est Jacques. On s'en sait ce qu'il fait, Jacques, tant qu'il est là, Jacques. Exactement. Le gars, quand il travaille, le gars, il est vraiment comme en feu. Il est en feu. Puis il est là, puis il construit ça étage par étage, un peu comme une montagne se construirait avec le temps et l'évolution des choses, tu comprends? Donc voilà pour le côté francophone. Pour le côté anglophone, tu lui demandes quelque chose, est-ce que tu veux faire ça? Il dit oui, oui chef, parce que il parle à moi, oui mon roi. Donc c'est un oui royal si on veut, il est comme mon sujet. Et puis à la fin de la journée, quand la journée se termine, je tire un peu comme dans les pierres à feu, je tire sur une petite sirène, tu comprends, la petite sirène, pas la petite sirène, l'Ariel, pas Ariel, là, pas Ariel, la petite sirène avec les cheveux rouges, non, là. Non, tirer dessus, c'est un peu... C'est un peu trash. C'est une espèce en voie de disparition, Ariel, la petite sirène. Non, je parle de sirène à la fin d'une journée de travail, un peu comme dans les pierres à feu, tu comprends? La chanson de la sirène, c'est... Foufou! Foufou! Foufou! Ça, c'est la chanson de la sirène! Foufou. C'est foufou. Et là, c'est ça, c'est comme, évidemment, je travaille assez fou, ça fait que c'est foufou, c'est foufou, tout le temps. Et ça, évidemment, ça, c'est servi à Jacques qui fait mon patio, mais il fait seulement ça si la météo est belle. Si la prévision météorologique, le forecast, comme on l'appelle en anglais, est apte à faire un patio. Voilà. Ouais, étape par étape. Étape par étape, comme ces blagues que je viens de faire. Fini? Oui, tu peux les expliquer okay. Si t'es capable. Si t'es capable. Je pense que j'ai suivi, étant donné que c'est écrit sur ma feuille. Donc, le numéro 1 du côté anglophone, ça fait une belle montée de 9 et c'est seulement sa troisième semaine. On s'en va entendre Sirène Song. Foufou, foufou. De Royal Oui. L'album, c'est Forecast. Ça peut vous donner un petit cue par hasard. Bulletin météorologique, exactement, oui. Bon, on va bien entendu commencer du côté francophone. Ça fait une belle montée de 11. Et c'est Squelette de bois de Jacques Maure. Au palmarès, c'est fou. Ah, foufou, foufou. Ça doit être dangereux pour la condition spontanée sur un squelette en bois. I saw you coming. I saw. saw us last, you thought we were just a vision from the past. You heard the singing, you heard your voice. You had no power, oh, you had no choice. Les premières places du côté anglophone de Royal We et Siren Song qui montent de 9 places. Et du côté francophone, c'était Squelette de bois de Jacques Maure, tiré de son album La Montagne de Feu. C'est tout pour le Palmarès Info. On se retrouve en direct jeudi prochain entre 15h et 18h. Après nous, c'est à Livre ouvert, émission de littérature. On repasse les vendredis soir à 17h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges et Skypunka. Et finalement, les dimanches à midi. Après nous, Raconte-moi ta ville et Les Branches du Monde à partir de 16h. Si vous à assemblagejockey.com. Merci Steph. Merci Mathieu, tout d'un sauf. Bravo. On se quitte avec une pièce qu'on a sauté plus tôt parce qu'on n'a pas le choix de quitter avec une pièce. Ce sera la position numéro 6. Francophone. Francophone, c'est Marie les Bleus de Jimmy Hahn. Yes, à la semaine prochaine. Bye. Bye. Salut. Bye. Salut. Ta gueule. Ha, fudge you. Put some fudge on you. Put some fudge on you.